autre exception qui concerne le tout, c'est le verbe essere, être, qui d'ailleurs est irrégulier dans presque toutes les langues. En français, on a « je suis », « vous êtes », etc. En italien, comment dites-vous « je suis » ? Sono. Sono, oui. Et « il est », « elle est » ou « vous êtes » avec le « vous » du vouvoiement, ça donne ? Est. Est, c'est ça, est. La forme qui correspond à « tu es » n'est pas évidente à retrouver, donc je vous la donne. C'est « sei », S-E-I. Vous voyez qu'on retrouve encore le « i », « sei ». Alors, si vous vouliez dire « où es-tu », qu'est-ce que ça donnerait ? Dove sei ? Dove sei ? Toujours dans les exceptions, nous avons le verbe « savoir » qui se dit sapere. Sapere. Et comment dit-on « je sais » ? So. So. Et « je ne le sais pas », comment dites-vous ça ? Non lo so. Non lo so. Dites-moi maintenant « il le sait ». Lo sa. Lo sa. Et si vous voulez dire « ne le savez-vous pas » avec le « vous » du « vouvoiement », qu'est-ce que ça donne ? Non lo sa. Non lo sa. Est-ce que vous pouvez deviner maintenant comment on dit « tu le sais » ? Lo sai. C'est ça. Tu le sais, lo sai. Encore une fois, c'est très simple. On retrouve toujours le « i ». Lo sai. Ensuite, nous avons le verbe « pouvoir ». Comment dites-vous « je peux » ? Posso. Posso, oui. Et « il peut » Comment dit-on ça ? Può. Può. Può. Maintenant, traduisez « pouvez-vous me dire pourquoi, monsieur ?» Vous le savez peut-être déjà, mais « monsieur » se dit « signore ». Signore. Può dirmi perché, signore ? Può dirmi perché, signore ? Au lieu de « può dirmi perché », vous pourriez dire aussi « mi può dire perché ?» Oui, « mi può dire perché, signore ?» ou « signora, madame ». Et maintenant, si je voulais poser la même question à une amie, « peux-tu me dire pourquoi ?» Qu'est-ce que je dirais ? Vous n'aurez pas de mal à deviner. « Mi puoi dire perché ?» Oui, c'est ça. Mi puoi dire perché? Et nous avons encore le même cas de figure avec vouloir. Volere. Comment dites-vous « je le veux » ? Lo voglio. Lo voglio. Et « je n'en veux aucun » se dit ? Non ne voglio alcuno. Non ne voglio alcuno. Comment diriez-vous « est-ce que vous en voulez un ?» Ne vuole uno? Ne vuole uno? Et est-ce que tu en veux un? Comment diriez-vous ça? Ne vuoi uno? Ne vuoi uno? Tout à fait. Maintenant, nous allons parler du vous pluriel. La forme du vous que nous avons employée jusqu'à présent, c'est celle du vouvoiement singulier, lei. Pour s'adresser à une seule personne que l'on vouvoie. La forme qui sert à s'adresser à une personne que l'on tutoie, on vient de la voir, c'est tu. Et pour s'adresser à un groupe de gens, on emploie voi. Pour arriver à la forme avec voi, il suffit de partir de l'infinitif et de remplacer le R par un T. Donc, au lieu de are, on aura ate. Au lieu de « ere »,« ete ». Et au lieu de « ire »,« ite ». Voilà comment on obtient la forme qui correspond à « voi ». Donc, comment diriez-vous « vous parlez »?« Voi »?« Parlate ». Oui, parlate. On part de l'infinitif parlare et on remplace le R par un T. Parlate. Et vous partez. Comment direz-vous ça? Andate. Andate, c'est vous allez. Mais comment diriez-vous plus précisément vous partez? Voi? Partite. Partite, oui. Vous le vendez se dit? Voi lo vendete. Comme dans la phrase française, on n'insiste pas sur vous, on n'a pas besoin de dire voi en italien. Le verbe est suffisant pour comprendre de qui on parle. Si tout à l'heure j'utilisais voi, c'était uniquement pour vous faire comprendre que le vous de l'exemple à traduire n'indiquait pas la forme de politesse, c'est-à-dire lei. Alors, reprenez la phrase. Vous le vendez. Lo vendete. Oui, c'est ça. Lo vendete. C'est tout simple. Une autre phrase. Est-ce que vous pouvez le faire à la forme voi? Comment dit-on pouvoir déjà? Potere. Potere, oui. Alors, comment diriez-vous est-ce que vous pouvez le faire? Potete farlo. Très bien. Potete farlo, oui. Et comment traduiriez-vous, toujours à la forme voi, ne voulez-vous pas le faire? Non volete farlo. Non volete farlo, bien. Volete, qui vient de volere. Donc, l'infinitif volere donne volete à la forme voi. Que donnerait pourquoi ne me le dites-vous pas? Perché non me lo dite? Oui, voilà. Dire, dite. Perché non me lo dite? Et maintenant, dites-moi, pourquoi ne le faites-vous pas? Perché non lo fate? Perché non lo fate? Oui. Et comment diriez-vous, pourquoi ne savez-vous pas où il est? Perché non sapete dov'è? Perché non sapete dov'è? Et si vous parlez à une personne seule, pourquoi ne sais-tu pas où il est? Comment diriez-vous ça? Perché non sai dov'è? C'est ça. Perché non sai dov'è?